l'évolution des auditeurs curieux de connaître l'évolution des sciences modernes. La tête au carré, c'est à la fois la tête dans le carré et puis le carré dans la tête. La pure connaissance scientifique. Je tombe sur un troupeau de sangliers, patauge dans les lotus blancs. Bonjour, gros sanglier. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle tête au carré. Violaine Ballet est aux commandes de l'émission et le dossier du jour a été préparé par Chantal de Montagnier, Lucie Sarfati et Irène Menahem. Au menu aujourd'hui, je vous propose un sujet consacré à l'univers de la viande. Le 7 octobre sortait dans les librairies un livre intitulé Bidoche, une enquête sur l'industrie de la viande menée par le journaliste Fabrice Nicolino. Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde. C'est le titre de ce livre publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et dans ce livre, Fabrice Nicolino raconte comment s'est développé en France l'élevage industriel après la Deuxième Guerre mondiale. Et je le cite, « Notre pays est devenu depuis un immense hachoir à viande qui abat chaque année plus d'un milliard d'animaux domestiques. » Derrière cette industrialisation de la viande, il révèle les vérités cachées qui concernent les risques sanitaires, les émissions de gaz à effet de serre, la déforestation et les techniques scientifiques utilisées pour améliorer les rendements et la qualité de la viande. Je vous propose donc de réentendre cet entretien dans quelques instants. La tête au carré, Mathieu Vidard. Le magazine scientifique de France Inter. De France Inter. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais... Ça, on peut le dire. À table. Noix de jambon rôti à la broche. Travers de porc. Filet de poulet. On m'a mordu. Et c'est rouge. Mais pourquoi est-ce que tu m'as mordu? Mais tu le vois, ce rouge! Je t'ai toujours donné du steak haché 100% plus muscle. D'instinct, une mère sait ce qu'il y a de meilleur pour le plus grand des carnivores. Mais regarde ce que tu as fait! C'est moi qui coupe avec mon couteau d'Indien. Elle est pas belle, la fille? Oh, rien bouger. Fabrice Nicolino, vous êtes l'invité de La Tête au Carré pour illustrer justement votre livre Bidoche, ce petit module qu'on vient d'entendre réalisé par Violaine Ballet. Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde. Ce livre sort donc aux éditions Les Liens qui Libèrent. Alors racontez-nous d'abord comment vous êtes intéressé à ce sujet. Ah, c'est bon, je m'y suis intéressé depuis un certain temps déjà, disons, comme consommateur, comme vous j'imagine, comme beaucoup de gens. Peut-être que le déclencheur c'est évidemment le sort fait aux animaux. Disons que des centaines de millions d'animaux meurent sans avoir réellement vécu en France chaque année, pour satisfaire notre demande en viande. Et je crois que c'est ça qui a été le déclencheur. Mais c'est une histoire très très passionnante. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à étudier ça et à essayer de comprendre comment tout cela s'était passé. Parce que si vous voulez, si on remonte en une seconde à l'Antiquité, à la Haute Antiquité, il y a 5000 ans, la plupart des panthéons humains étaient remplis d'animaux. Le taureau Ape, celui que les Grecs appelleraient plus tard Apis, était vraiment au sommet du panthéon humain. Et tout ça a duré des milliers d'années. Alors évidemment, ça ne signifie absolument pas que les animaux étaient traités royalement par les hommes. Il y avait des actes de cruauté et beaucoup de violence, ça, chacun le devine, chacun le sait. Mais enfin, il reste que les animaux ont été vénérés. Et puis, il y a plusieurs dates qui sont très importantes. Il y en a deux qui concernent le 17e siècle. C'est-à-dire, en 1600 pile, il y a un agronome qui écrit un livre stupéfiant. L'agronome en question s'appelle Olivier de Serres. C'est un ami proche de Sully et même du roi Henri IV. Et Olivier de Serres, dans ce livre consacré dans son traité d'agronomie, il parle des animaux domestiques, des vaches notamment, des bovins, d'une manière étonnamment humaine. Il explique comment il faut les traiter, comment les étapes doivent être faites, comment il faut les soigner le soir, comment il faut enlever les aiguilles qui se seraient fichées dans leur peau. Vraiment, il a un ton inimitable pour parler de ces animaux. Et puis, quelques dizaines d'années plus tard, il y a le fameux Descartes, René Descartes, qui lui évoque, dans un livre très célèbre, il évoque les animaux machines. Alors évidemment, on lui attribue beaucoup de choses qui ne sont pas de son ressort, mais c'est vrai qu'il a énormément influencé la suite des événements. Ouais, on le cite toujours d'ailleurs, dans les discussions sur le sort animal, c'est vrai que son nom ressort toujours, oui, évidemment. Mais oui, tout simplement parce que lui, il a pensé l'animal comme une machine extrêmement perfectionnée, mais évidemment dépourvue de la parole et de la pensée, à la différence des humains. En tout cas, c'est sûr qu'il a inspiré directement les premiers zootechniciens français. La zootechnie, c'est un mot qui est né en fait, qui a été inventé pas un Français, Ampère. Ampère, chacun connaît le nom, en tout cas d'Ampère. C'est celui qui a inventé l'électroaimant. C'était donc un scientifique de premier plan. Et Ampère a inventé ce mot de zootechnie, sans trop savoir ce qu'il désignait à l'époque. Mais ça a été immédiatement repris et il y a eu une première chaire de zootechnie en 1849 à l'Institut d'agronomie à Versailles. Et là, alors franchement, on est un peu stupéfait parce que oublier les grands élans autour de l'animal, l'animal devient un élément abstrait quasiment pour gagner de l'argent. Alors ça, c'est la première vague effectivement, parce qu'il y a une seconde vague après la Deuxième Guerre mondiale, on va évidemment l'évoquer, qui est montée en puissance jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce que cette première vague finalement ne parvient pas à transformer en profondeur l'agriculture française. Il y a des résistances très nombreuses chez les agriculteurs eux-mêmes, et puis disons que la situation politique ne permet pas vraiment d'aller jusqu'au bout, et surtout, les connaissances zootechniques sont balbutiantes, n'existent pas, on ne sait pas technologiquement, si j'ose dire, et j'ose le dire, fabriquer de la viande de façon industrielle, comme on saura le faire. Voilà, c'est ça, l'idée, c'était de trouver des techniques qui soient capables d'utiliser des substances animales, c'est comme ça qu'on les nomme, pour les besoins humains. Absolument. Alors Fabrice Nicolino, donc avec Bidoche, c'est une grande enquête que vous avez menée, c'est tout un système que vous avez découvert, oui. Ce système qui sert à nourrir le monde et qui, vous le dites, échappe à tout contrôle social et moral. Exactement, c'est une... Au point de départ, si vous voulez, il n'y a rien de plus légitime. En tout cas, on peut tout à fait admettre, bien entendu, qu'une société se donne les moyens de consommer de la viande et donc règle la pratique de consommation de la viande. On peut estimer ça juste acceptable. Mais ce qui est sûr, c'est que cette industrie de la viande, chemin faisant, en prenant de la puissance, et compte tenu du fait qu'elle n'a jamais connu le moindre frein, bien cette industrie, en effet, a échappé au contrôle de la société. Et sur le plan moral, évidemment, c'est un désastre qu'on évoquera tout à l'heure. Mais on arrive finalement au bout de tout cela, un véritable désastre. Vous êtes ressorti dans quel état d'esprit de ce travail ? Profondément indigné, sincèrement. Je fais pas de manière en vous disant ça. Indigné, changé. Indigné et changé. Mais vous allez loin parce que vous appelez même à la révolte dans votre livre. C'est vraiment spontané chez moi, je vous le dis comme ça. Oui, à la révolte, parce que j'ai le sentiment qu'un système qui est allé aussi loin que celui-là ne serait... Il y a déjà eu dans le passé, certains auditeurs doivent se souvenir du boycott du veau en 1980, qui avait eu un effet considérable et traumatisant aussi chez les éleveurs. Je ne veux pas du tout dissimuler que tout ça est très difficile pour les éleveurs. Ce serait trop simple, bien entendu. Les éleveurs sont là, je sais qu'ils sont là. Mais en tout cas, le système est allé si loin qu'aujourd'hui, je n'imagine pas d'autre voie que celle d'une révolte organisée des citoyens. Alors on verra justement les conséquences, c'est ça qui est intéressant aussi, évidemment, sur la santé humaine, ce qu'on sait des études qui sont publiées sur le lien entre la viande et la santé humaine, et puis également l'impact sur les gaz à effet de serre. Alors ça... On est nombreux à ne pas forcément très bien connaître l'impact de l'élevage sur les gaz à effet de serre. C'est assez sidérant, on le découvrira avec vous. Et puis bien sûr la déforestation et le problème de la famine. Alors on va poursuivre un tout petit peu l'historique justement de cette histoire de l'industrialisation. Donc là on arrive directement, parce que c'est surtout une histoire française que vous décrivez, même si elle prend racine évidemment aux États-Unis. Donc il y a la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs c'est étonnant parce que l'histoire des pesticides et l'histoire de l'élevage est assez parallèle. Vous avez reçu sur le sujet. Finalement on pourrait reprendre pratiquement les mêmes événements historiques. Vous avez 100 fois et 1000 fois raison. C'est en effet la même histoire. C'est en fait l'histoire de l'industrialisation de l'agriculture. Avec des populations qui ont souffert de la faim aussi. Mais tout à fait. Qu'il faut nourrir avec des protéines qui sont considérées à l'époque par tout le monde. Je veux dire, il y a une sorte d'unanimité nationale autour de cette idée simple que les protéines animales sont supérieures à toutes les autres et qu'il est absolument formidable de fabriquer de la viande pour nourrir les populations. Et encore une fois, pas d'anachronisme. Je pense que vous comme moi, en tout cas moi c'est sûr, si j'avais vécu à cette époque-là, j'aurais sans doute applaudi comme tout le monde. Je veux dire, il ne s'agit pas de reprocher aux gens qui se sont lancés dans ce qui s'est révélé être une aventure, il ne s'agit pas de leur reprocher d'avoir voulu nourrir le monde. Alors la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est une génération neuve de zootechniciens, pour reprendre ce terme qui avait été donc inventé en 1830. Cette génération arrive et là ça coïncide avec la création de l'INRA. Encore le modèle américain, alors quel rôle il a joué exactement aux yeux des Français? C'est un rôle central, essentiel. On ne saurait surestimer le rôle qu'ont pu jouer les États-Unis, parce que cette génération de zootechniciens, on peut parler de Jacques Poli, de Raymond Février, il y en a beaucoup d'autres. Tous les membres de cette génération font le voyage aux États-Unis et ils découvrent une industrie de la viande qui est déjà au sommet de sa puissance. Ils sont tout à fait ébahis. On va prendre des leçons là-bas. Exactement. On va là-bas pratiquement, je ne veux choquer personne, mais pratiquement comme d'autres vont à la Mecque. C'est véritablement une entreprise quasi sacrée. Ces mots-là sont employés par certains de ces jeunes zérotechniciens, et quand ils arrivent là-bas et qu'ils constatent la productivité extraordinaire des fermes américaines, ils reviennent enthousiastes, avec un gros livre sous le bras, qui est un livre de génétique animale, qu'ils traduisent rapidement. Et bien entendu, l'INRA étant né en 1946, eh bien, ils vont se jeter dans l'aventure et ils vont créer des centres, notamment d'amélioration, avec tous les guillemets qui s'imposent, d'amélioration génétique du cheptel français. Alors, c'est un moment aussi où la tradition paysanne est remise en cause, à la sortie de la guerre. C'est bien entendu. Inventer des nouveaux outils, moderniser tout ça. Bien entendu. Alors, ça se conjugue, si vous voulez, avec des considérations de nature politique, parce que dans l'entre-deux-guerres, il y a un mouvement, on va dire, d'extrême droite qui avait surgi dans les campagnes, autour des campagnes, qui n'exprimait pas toutes les campagnes, mais qui avait néanmoins surgi dans les campagnes, les chemises vertes. Puis pendant la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Pétain s'était beaucoup appuyé, en tout cas dans ses discours, sur les paysans. Et c'est vrai que l'esprit de la résistance, 1944, a la tentation de révolutionner les campagnes, bien entendu. Et donc, du même coup, de nouer une alliance avec ces jeunes zootechniciens qui se proposent eux aussi de révolutionner les campagnes. Alors justement, vous avez cité le nom de Raymond Février. Donc c'était le directeur général de l'INRA, c'est ça? Non, il n'a pas été directeur général inspecteur de l'INRA. Il a été inspecteur général de l'INRA et ça a été un des très grands responsables de l'industrialisation de la viande en France. Alors on va écouter l'extrait d'un documentaire qui s'appelle Sauver le bœuf, que vous citez, commentez, décrivez longuement dans votre livre, diffusé dans une émission qui s'appelle Eureka de l'ERTF, c'était en 1970, et Raymond Février, donc invité de l'émission, parlait, on va l'entendre, sans complexe ni langue de bois, des méthodes industrielles d'élevage des bovins, et en particulier du contrôle de l'appétit des animaux. Si un animal n'a pas d'appétit, il ne mange pas, il ne pousse pas. Alors on trouve des techniques qui permettent de stimuler cet appétit, soit par des ingrédients particuliers qui lui plaisent, et il y a aussi des possibilités d'améliorer cet appétit par des préparations spéciales. Par exemple, quand on broie finement un fourrage, on augmente la consommation. Mais on ne veut pas envisager, enfin dans un avenir plus lointain, d'agir sur le système nerveux lui-même de l'animal. Si, bien entendu. Nous avons réalisé ceci chez le porc et chez l'oie. Un de nos chercheurs a étudié la carte du cerveau de ces animaux. Il a trouvé un centre qui limite l'appétit, le centre de la satiété, et en le détruisant, on crée des animaux qui mangent sans arrêt, des animaux hyperphagiques, boulimiques, comme vous voulez. Ceci est d'une application limitée chez le porc, puisque les porcs rendus ainsi boulimiques sont trop gras, mais chez l'oie, où l'on cherche justement à provoquer des foie gras, on peut déjà créer des oies qui mangent deux fois, trois fois, quatre fois plus que leurs congénères normaux, et qui ainsi, spontanément, sans gavage, font du foie gras. Nous avons fait cette année une centaine de foie gras comme ça, avec des oies non gavées. Des oies complices. Des oies complices. Voilà, donc 1970, hein, avec cette pièce d'anthologie, alors tout le documentaire d'ailleurs, hein, assez exceptionnel, Raymond Février, donc un des personnages les plus importants de cette industrialisation de la viande. C'est l'essor des neurosciences animales, hein, finalement, quand on l'entend décrire le cerveau comme ça. Absolument, sauf que ça contient une charge de naïveté qui aujourd'hui nous fait rire, bien entendu, parce qu'on n'est on est pas allé jusque-là, on n'a pas pu créer ce que Raymond Février imaginait. On est un peu dans la science-fiction, mais en même temps, c'est la réalité de 1970, avec l'INRA, un institut national de la recherche agronomique au sommet de sa force dans la société française. Et je dois dire que le document, comme vous le disiez tout à l'heure, ce document-là glace un peu les sangs. Hein. Oui, et alors, il vante également la chimie, hein, dans ces images, qui a fait évidemment des progrès considérables à l'époque et qui va permettre la réalisation de la viande artificielle. Oui, c'est ça, oui. Mais par exemple, Raymond Février, excusez-moi, je peux pas m'empêcher de rire parce que je revois le film lui-même. Raymond Février dit qu'on va pouvoir et qu'on peut déjà injecter des enzymes de prédigestion dans la viande de manière à la rendre plus tendre au moment où on va l'ingurgiter. C'est-à-dire, il propose finalement de faire en sorte que la viande se prédigère d'elle-même après injection d'enzymes. On en est là, vous voyez. Alors, il y a cette scène incroyable également. On va essayer de la décrire. On voit un technicien, donc toujours dans ce même film, enfiler des gants et ouvrir sur le dos d'une vache un hublot, donc c'est un véritable hublot par lequel donc ce technicien plonge le bras directement dans la panse. Et alors? Alors, d'abord, premièrement, c'est la stupéfaction. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je n'ai absolument pas compris. Il m'a fallu des minutes et des minutes et des minutes pour comprendre que la vache était vivante et qu'un homme avec des gants plongeait son avant-bras dans le rumen, dans l'une des panses de la vache, en retirait une herbe fumante qu'il déposait dans une écuelle de fer blanc, avec une voix off, comme on dit dans le jargon, disant Enfin, la vache est devenue un objet industriel. Voilà, et il en ressort la promesse des beefsteaks de demain. Exactement. Ouais, on dirait d'ailleurs un steak haché, hein, sorti tout. Oui, c'est ça. C'est en noir et blanc. C'est en noir et blanc, donc on peut penser que c'est du steak haché. Et en fait, c'est de l'herbe que la vache est en train de ruminer, car oui, elle est vivante, je le rappelle. Oui. Alors, ce courriel d'Alexandre qui est à Brest, saviez-vous, nous dit-il qu'Henry Ford a trouvé l'inspiration pour élaborer sa rationalisation du travail au détour de la visite des abattoirs de Chicago. Oh oui, vous le citez. Il a raison. Non, mais ça, c'est une, en deux mots, ça vaut la peine. Parce qu'en fait, tout a été inventé, une grande partie de l'industrie moderne, de masse, a été inventée dans les abattoirs de Chicago. En effet, un ingénieur de Ford qui s'appelait William Klein se déplace dans ces abattoirs gigantesques de Chicago à la fin, à l'extrême fin du 19e siècle, et il voit ce qu'on appelle là-bas la disassembly line, c'est-à-dire une chaîne de désassemblage des animaux. Les animaux entrent entiers, circulent le long d'un treuil, passent devant des postes de travail fixes, et les ouvriers d'abattoir découpent les animaux en morceaux. Donc c'est une chaîne de désassemblage. Et Klein, dans un éclair, se dit, si on désassemble les animaux, il est peut-être possible et même profitable d'assembler les pièces mécaniques d'une automobile. Il va mettre quelques années à convaincre Ford, parce que Ford a du mal à se convaincre de l'intérêt de la chose, mais dès que Ford se met à utiliser les méthodes à l'envers, de la disassembly line des abattoirs de Chicago, la productivité de ses premières voitures, la Ford T, augmente de 300% en quelques semaines. Mmh. Et c'est le début, en vérité, de l'industrie de masse, qui n'est pas seulement l'industrie de la viande, mais l'industrie tout court. Mmh. On vous retrouve dans un instant avec d'autres messages et la poursuite donc de l'évocation de votre livre, Bidoche. La tête. Plus. La tête. Oh. Le magazine scientifique de France Inter. Qui nous le prouve ? Fabrice Nicolino, Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde. Est-ce que vous êtes déjà confronté aux industriels de la viande ? Est-ce que vous êtes amené à leur parler, à les rencontrer, oui, en discuter publiquement ? Oui, j'en ai rencontré quelques-uns. J'ai rencontré, je ne peux pas le citer parce que j'ai un petit différend avec lui, mais j'ai rencontré notamment un des grands responsables qui m'a accordé un entretien, qui l'a validé à deux reprises, qui ensuite n'a pas souhaité qu'il figure dans le livre. Bon, c'est son droit le plus strict, je le respecte. Oui, j'ai été confronté à ces gens-là, oui. Ces messages qui arrivent sur franceinter.com, celui de David. Quels seraient les moyens concrets, dit-il, de la révolte dont vous parlez, citoyenne, contre cette industrie agroalimentaire génératrice de gaspillage énorme et de maltraitance des bêtes ? Si je le savais, disons que je crois qu'il faut repenser totalement nos rapports avec les animaux et du même coup totalement nos modes de consommation. Ça passe nécessairement par une diminution massive de la consommation de viande. Zelda est à Nancy, eh bien ça fait du bien d'entendre vos propos. Vous n'imaginez pas les brimades et les moqueries que j'ai dû supporter depuis que je suis devenue végétarienne. On nous rebat les oreilles en nous disant de manger 5 fruits et légumes par jour. Mais jamais on ne nous dit qu'il est inutile et voire même nocif de manger de la viande tous les jours. Quant à la souffrance animale, je n'en parle même pas vu que tout le monde s'en fout. Vous êtes devenu végétarien ou pas après? Non. Moi j'ai beaucoup aimé la viande. J'en ai mangé énormément pour être franc. Aujourd'hui j'en mange très peu. Il n'est pas totalement impossible que j'arrête complètement, mais j'en suis là, voilà. Bon. Alors, un mot sur la loi de 1966, et puis on va aborder l'industrie aujourd'hui. Il y a une loi qui est votée pour moderniser, justement, c'est l'amélioration génétique des animaux de rente. Exactement, mais c'est une loi décisive, hein. C'est la loi de 1966, c'est la grande loi sur l'élevage. Elle a été préparée de longue date par des responsables de l'INRA, Raymond Février de son côté, et surtout Jacques Poli. On l'a appelé le commandeur de l'élevage dans les milieux concernés. Jacques Poli, c'était le fondateur et il a dirigé le premier laboratoire de génétique animale de l'INRA. Un personnage très très important et extrêmement intéressant. Il faisait partie du cabinet ministériel de l'époque. Il a œuvré pour que cette loi de 66 soit votée. Elle a été votée et en effet, ça a boosté d'une manière extraordinaire la génétique animale, la sélection génétique des animaux. Et il y a une anecdote qu'il faut citer parce qu'elle est très courte et elle est superbe à mon goût. Quand Édith Cresson a été nommée ministre de l'Agriculture par le gouvernement de gauche en 1981, elle croise Jacques Poli dans un couloir, Jacques Poli qui est un des patrons de l'INRA. Elle le félicite d'avoir réussi à faire voter une loi de gauche, dit-elle, par une assemblée de droite. Dit-elle. Et Jacques Poli lui aurait répondu, Madame, le sperme n'est ni de droite, ni de gauche. Voilà, c'est une citation qu'on peut lire dans votre livre. Alors, depuis les années 60, cette industrialisation, évidemment, n'a pas faibli. Alors, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est ces coulisses de l'industrialisation hors sol. Donc, ça veut dire qu'on entasse, on sort les éprouvettes, on oublie complètement les fourrages et les races locales disparaissent dans le même temps. En fait, si vous voulez, il faut avoir une idée des chiffres. 99,5%, je répète parce que c'est assez impressionnant, 99,5% de la viande consommée en France provient de l'élevage industriel. Donc il reste 0,5% pour la viande bio et quelques races locales qui sont élevées dans des conditions un peu plus décentes. 99,5%. Alors, les coulisses, évidemment, de cette industrie, c'est évidemment autour de l'insémination, oui, de la nourriture. On va le détailler avec vous dans un instant. Et puis, bien sûr, la vie des animaux avec les abattoirs. Alors, notre reporter Daniel Fievé a rencontré pour La Tête au Carré le sociologue Séverin Muller, qui travaille à l'université Lille 1 et au CNRS. Et il a décidé de s'intéresser aux personnes, justement, qui travaillent dans les abattoirs. Et pour mener à bien son étude, il s'est fait embaucher comme ouvrier sur la chaîne d'abattage d'un grand site pendant 6 mois. Il a donc raconté ce week-end à Daniel Fievé comment les ouvriers de ces abattoirs vivaient ce travail particulier et ce qui lui l'avait intéressé dans cette étude sociologique. J'y suis allé pour comprendre déjà quelles étaient les caractéristiques de cette population un peu particulière des ouvriers de l'industrie agroalimentaire qui avait été assez peu étudiée en sociologie. Et puis l'autre aspect, c'était la relation qu'entretenaient les ouvriers avec un travail qui était quand même assez particulier, qui consistait à mettre à mort des animaux de façon industrielle, ce qui représente une charge sociale assez lourde quand même. À l'intérieur de l'abattoir, parler de la mort animale n'est pas complètement tabou, c'est malvenu. On considère de l'intérieur que tuer pour manger, c'est une fonction sociale admise et il participe à cette fonction sociale, même si ça consiste à accepter de faire un sale boulot. Par contre, ce qui semblait tout à fait intéressant, c'était le décalage entre l'intérieur, ce qui se passait à l'intérieur de l'abattoir, et l'idée que se faisait de l'extérieur, et notamment les proches des ouvriers, de ce qui se passait dans les abattoirs. Et ce qui les touchait particulièrement, ces ouvriers, c'est vraiment le regard de leurs proches sur leur activité. J'ai été frappé de voir à quel point leur compagne, par exemple, était très réticente à regarder les photographies de leur compagnon au travail et me disait qu'ils n'en avaient jamais parlé ensemble. Ils n'en parlaient jamais ensemble. Un autre exemple, c'est ma logeuse, puisque j'avais un appartement à côté de l'abattoir, qui avait appris que je connaissais une personne qu'elle-même connaissait. Et elle était très surprise de savoir qu'il travaillait, cet ouvrier travaillait dans un abattoir alors qu'elle le connaissait depuis 20 ans et qu'il n'en avait jamais parlé. Donc c'est vraiment un rapport culpabilisant à l'activité qui est découplé entre l'intérieur et l'extérieur. Eux-mêmes, quel regard portent-ils sur leur travail ? De ce que j'ai compris, ils ont établi une sorte de hiérarchie de l'admissible, de la mise à mort. En gros, eux considèrent que les manières de faire dans les abattoirs industriels sont admissibles parce qu'elles ne font pas trop souffrir les animaux. Il y a tout un tas de techniques qui ont été mises au point par des spécialistes, des experts, des vétérinaires, et qui ont consisté à essayer d'atténuer la souffrance des animaux. Ils considèrent que leur pratique est humaine. Par contre, j'ai pu me rendre compte qu'ils avaient, notamment en parlant des abattages rituels qui se font aussi de temps en temps dans les abattoirs, ce sont les abattages religieux. J'ai pu me rendre compte que eux-mêmes portaient un jugement moral sur ces pratiques et les considéraient comme non admissibles. Donc ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'ils reproduisent le rejet de leur entourage et de la société sur leur travail. Ils le reproduisent avec des gens qui font presque la même chose mais un peu différemment. Voilà, exactement, oui. C'est un peu comme la guerre propre et la guerre sale. Hein. La guerre propre est admissible et la guerre sale ne le serait pas. C'est vraiment un enrobage pour qu'on puisse admettre ce qu'on est en train de faire. Le vocabulaire, même la façon de parler de leur propre travail, ils emploient des termes bien précis, c'est ce que vous avez noté. Oui, alors, il y a toute une série d'appellations euphémisantes qui ont été mises en place pour justement ôter ce rapport culpabilisant à l'activité au fil du temps. Alors, le tueur pratique l'assommage, alors que l'assommage, ça consiste quand même à perforer la boîte crânienne, c'est-à-dire à tuer l'animal. Et ensuite, on a employé des termes comme anesthésie, alors que c'est pas, on n'anesthésie pas tout à fait l'animal. Le dernier terme qui a été employé par les services vétérinaires ou dans les documents officiels, c'est le terme de technicien létal. Et là, on voit bien que le rapport à la mort, même dans les dénominations de l'activité, tend à gommer la violence de l'acte. Ces ouvriers qui travaillent en abattoir, ils ont un certain plaisir à pratiquer leur métier, ou est-ce que, en gros, s'ils avaient le choix, ils seraient tous ailleurs ? Alors, pour les plus anciens qui sont issus du monde rural et qui, pour certains, ont été ouvriers journaliers dans l'agriculture, le travail à l'abattoir, c'est de l'ascension sociale. Ils sont mieux payés, ils sont moins isolés, même si les conditions de travail sont très dures, ils trouvent que c'est un métier intéressant. Mais pour beaucoup, et notamment les plus jeunes, certains considèrent que c'est un boulot de con. Ils sont là-dedans parce qu'ils n'ont pas trouvé de travail ailleurs, mais ils comptent pas y rester une vingtaine d'années ou y faire carrière. Il faut savoir qu'il y a à peu près 3/4 des jeunes recrues qui partent dans les 2 premiers mois. quand on fait ce métier sur le long terme? Est-ce qu'on finit par s'habituer? Quand on participe à l'abattage de 500 à 600 bovins dans une journée, 60 bêtes à l'heure quasiment, oui, on est dans le registre de la banalisation de la mise à mort, oui, certainement. Oui. Beaucoup d'ouvriers m'ont raconté que quand ils partaient en vacances, ils avaient tendance à oublier leur boulot, mais à leur retour, les premières semaines étaient souvent très très pénibles pour eux, et les premiers jours notamment, certains me racontaient qu'ils allaient vomir dans les toilettes parce que le retour à cet univers qui est un petit peu spécifique, leur faisait du mal physiquement, là, pour le coup. Quand je me suis retrouvé ouvrier, j'ai été très étonné de voir à quel point on s'accoutumait au travail et on oubliait le sens. C'est-à-dire que le statut de l'animal était modifié, il n'était plus un animal doué de sensibilité et capable de souffrir. Donc il changeait de statut, il devenait produit industriel. À titre personnel, vous, cette expérience-là, ça a changé votre regard sur... le steak haché dans votre assiette. Alors peut-être que si j'avais été que visiteur extérieur, ma réaction aurait été de tendre vers le végétarisme. J'en sais rien. En tous les cas, il se trouve que je continue à manger de la viande. Je me l'explique mal, mais voilà. Voilà, le sociologue Séverin Muller, donc, qui a passé 6 mois dans un abattoir pour enquêter auprès des ouvriers et qui, à la suite de cette expérience, a publié un livre qui s'appelle « À l'abattoir » et qui est sorti aux éditions M.A.S.H. Quaé dans la collection Nature Sociale. Un commentaire, Fabrice Nicolino, sur ce que vous venez d'entendre? Il y a beaucoup de choses dans ce témoignage. Oui, il y a beaucoup de choses. Moi, ça m'émeut d'une certaine façon, hein, parce que en entendant Séverin Muller, je pense à ces ouvriers d'abattoir que j'ai pu rencontrer et qui sont les oubliés de cette affreuse histoire. Il y a un taux de maladie professionnelle chez les ouvriers d'abattoir qui est proprement hallucinant. Il y a une très grande partie, une majorité des ouvriers d'abattoir qui souffrent de d'une, voire plusieurs maladies professionnelles reconnues par la Sécurité sociale, parce qu'il s'agit d'un boulot vraiment très très difficile. Alors vous décrivez ce que vous appelez ironiquement la ferme des animaux, hein, avec ces sondes d'insémination, la castration des porcelets, les veaux qui sont enlevés à leur mère au bout d'un jour ou deux, les porcs industriels dans ses odeurs d'ammoniac. Le système est parfaitement rodé et vous l'appelez celui de la barbarie tranquille, c'est ça, hein? Oui, absolument. Mais c'est-à-dire que, si vous voulez, il fallait pour réussir, et ça c'est vraiment Muller le disait à l'instant, il fallait rendre les animaux abstraits. Il fallait ne plus considérer que les animaux sont des êtres vivants et sensibles avec lesquels on a tant de choses à partager. Il fallait les transformer en des objets, en des marchandises sur lesquelles on a tous les droits. Et en fait, cette façon de traiter les animaux, cette façon barbare de traiter les animaux, bien sûr, m'a fait beaucoup réfléchir à la façon dont les humains se traitent les uns les autres. Et il me semble, moi, qu'il y a des liens que je ne suis pas forcément capable d'expliciter, mais des liens profonds au plan psychique entre la manière dont nous traitons les animaux et la manière dont les humains se traitent. Il y a cette fameuse phrase attribuée à Tolstoï, « Tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des champs de bataille ». Et moi, je crois très fortement à cela. Marie est à Blois, je vous lis 3 courriels. Elle nous dit d'abord ceci, la vache avec un hublot qu'on a décrit tout à l'heure est appelée vache fustilée et elle existe toujours et ces animaux n'ont pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dit Marie, une espérance de vie courte. Ce sont des animaux pour la recherche, non soumis donc à une logique marchande et qui peuvent vivre facilement 10 ans. Voilà. Bon. James nous écrit, je crois qu'il faut bien différencier les différentes productions. Il est éleveur bovin traditionnel dans l'Allier. James, c'est son nom, Denis, c'est son prénom. Le porc et les volailles sont devenus des productions industrielles, malheureusement, mais l'élevage bovin reste encore traditionnel, surtout l'élevage allaitant, race à viande, charolaise, limousine, aubrac, blonde d'Aquitaine. Ben c'est sans doute vrai chez lui, j'en discute même pas. Malheureusement, ça n'est pas vrai d'une façon générale, et une très grande partie de l'élevage bovin a été industrialisé. Il reste des toutes petites poches de ce que je pourrais appeler de la résistance. Voilà, et des éleveurs qui défendent, hein, évidemment. Bien sûr, mais c'est une tradition d'élevage aussi tout à fait respectueux et respectable. Je pense que c'est des points d'appui extrêmement importants pour une véritable réforme en profondeur qui aurait les apparences en vérité d'une révolution. En tout cas, c'est des points d'appui pour changer totalement le rapport que nous entretenons avec les animaux et du même coup la viande qui est obtenue à partir d'eux. Il existe en effet des éleveurs remarquables, j'en connais, hein, j'en ai visité. Il y a de la viande de très très bonne qualité, même si elle n'est pas nécessairement bio, c'est certain et j'en suis ravi. Mais alors ça, effectivement, ce sont des méthodes traditionnelles qui sont minoritaires. C'est archi minoritaire. Je n'ose pas dire, parce que je ne veux décourager personne, que ce sont des méthodes qui sont en voie de disparition, mais c'est pratiquement cela. C'est-à-dire que les bêtes ne mangent plus d'herbe maintenant. Non, hein, hein. Elles sont hors sol, il y a plus de fourrage. Absolument, c'est une révolution totale de l'alimentation animale dans l'univers de l'industrialisation de la viande. Pour donner un exemple qui va parler à tout le monde, si demain on arrête d'importer du soja transgénique, soit dit en passant, essentiellement d'Amérique du Sud, si on arrête d'importer les millions de tonnes de soja qui arrivent chaque année en France, il n'y a plus d'élevage industriel. C'est-à-dire que nous mangeons, au travers des bêtes, du soja transgénique en permanence. Hein. Écoutez, il y a une étude très précise qui a été faite, qui démontre qu'en France, chaque habitant, vous, moi, et votre voisin de palier, chaque habitant dispose en quelque sorte de plus de 600 mètres carrés, 659 mètres carrés de soja transgénique, dans un autre pays que la France, bien sûr. Mm-hmm. Pour satisfaire la consommation de viande en France, il faut donc que chaque Français dispose de 659 mètres carrés de terre plantée en soja au Paraguay, en Argentine, au Brésil. Alors, 92 kilos de viande par Français en moyenne par an, hein, c'est ça, 250 œufs et une centaine de kilos de produits laitiers. Hein, donc ça correspond à cette surface cultivée de soja. Oui, le soja c'est un élément clé et le soja, il faut bien comprendre que, je suis allé dans ces pays, les pays sont bouleversés. Vous pouvez rouler sur des dizaines de kilomètres au milieu de champs de soja, de monocultures de soja. Ces pays et les communautés paysannes ou indiennes qui habitaient dans ces contrées ont été chassées ou sont maltraitées ou sont arrosées constamment par des fumées de ce qu'on appelle là-bas les agrotoxiques, c'est-à-dire des pesticides. C'est ça la situation réelle. Il faut bien comprendre qu'il y a un lien entre notre manière de consommer de la viande ici et ce qui peut se passer ailleurs. C'est peut-être difficile à comprendre, mais pourtant le lien est évident. Taquan nous écoute au Luxembourg. 6 kg de protéines végétales pour 1 kg de protéines animales et le quart de la planète a faim, sans commentaire. Ah ben si, je crois qu'il faut ajouter un commentaire. Je crois que là, c'est une considération morale élémentaire. En fait, le rendement énergétique des animaux domestiques est effroyablement mauvais. Parce qu'il faut, c'est pas 6 d'ailleurs, c'est plutôt entre 7 et 9 protéines végétales pour obtenir une seule protéine animale. Donc il faut des surfaces gigantesques vouées aux céréales destinées au bétail. C'est-à-dire que pour fabriquer, c'est le mot qui convient, fabriquer de la viande industrielle, il faut énormément de céréales, elles aussi industrielles. Mmh. Et vu que la demande augmente d'une manière considérable dans des pays comme l'Inde, mais surtout la Chine, hein, la demande explose, la demande de viande explose en Chine, personne, je dis bien personne aujourd'hui, même les défenseurs de la viande industrielle, personne ne sait où trouver les surfaces agricoles qui permettraient de faire pousser des céréales destinées au bétail de demain. Voilà, avec des céréales qui ne servent plus à l'alimentation humaine, hein, avec la famine qui existe, mais donc à nourrir des animaux qui, évidemment, nourriront... Absolument. En particulier les pays. Autant on peut imaginer nourrir 9 milliards d'habitants en 2050 avec une alimentation basée sur les végétaux, autant c'est totalement inconcevable si on continue avec une alimentation carnée. Ça, c'est absolument inconcevable. Romain est à la Martinique. La consommation de viande d'animaux d'élevage terrestre n'est-elle pas moins destructrice des écosystèmes que la consommation de poissons et autres animaux marins qui peuvent être irréversibles? Je pense que la question a la mérite d'être, disons, réfléchie. En vérité, c'est deux systèmes désastreux, bien entendu. Il est sûr et certain que la surpêche, c'est un désastre absolu, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, concevable. On détruit des chaînes alimentaires, des chaînes trophiques, définitivement, quasi définitivement, on l'a vu avec la morue dans l'Atlantique Nord. Il est sûr que cette façon de pêcher est absurde et même, j'oserais le dire, criminelle. Il est vrai que l'élevage industriel, on peut toujours imaginer de faire machine arrière. Je souhaite ardemment qu'on y parvienne rapidement. Oui, et le poisson d'élevage industriel se développe lui aussi d'ailleurs dans les mêmes conditions, dans les mêmes conditions que le bétail, absolument. Vous revenez évidemment sur le chapitre pollution et eau à la Bretagne. C'est une région particulière, vous racontez cette histoire. Hein. La région a été choisie dans les années 60 pour devenir une usine à viande, oui, avec la pollution due au port. Donc ça, vous le décrivez très très bien. Je voudrais qu'on revienne, parce qu'il nous reste hélas que 5 minutes à peine. C'est la contribution de l'élevage aux gaz à effet de serre et puis l'impact également de la viande sur la santé humaine. Alors, les gaz à effet de serre, ça c'est un chiffre qui m'a sidéré. Je pensais pas que c'était à cette hauteur-là. Oui, bah, écoute, il y a un rapport, à ma connaissance, et je reste très très étonné par ça, un rapport de la FAO. La FAO, c'est l'agence de la grande agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Donc il y a un rapport de 2006 qui, à ma connaissance, n'a pas été traduit en français. Et si c'est bien le cas, je me demande bien pour quelle raison, parce qu'il y a quand même des centaines de traducteurs à la FAO. En tout cas, ce rapport dit que l'élevage mondial produit davantage de gaz à effet de serre que la totalité des transports humains. C'est 18% des émissions. 18% des émissions humaines, des émissions qu'on appelle anthropiques, des émissions dues à l'homme, 18% sont dues à l'élevage dans le monde. C'est donc davantage que la voiture, les avions, les bateaux, le reste. Et donc, les spécialistes de la question, y compris les spécialistes du climat aujourd'hui, appellent à une réduction ordonnée, pensée de la consommation de viande pour lutter contre le réchauffement climatique. En raison du méthane, on est toujours sur la question. Pas seulement. En fait, c'est un calcul global qui inclut la fabrication. Je mets des guillemets à ce mot, la fabrication de viande. Parce que pour fabriquer de la viande, il faut utiliser beaucoup de combustibles fossiles. Et du côté de la santé humaine, alors qu'est-ce que l'on sait de l'impact de la viande? On l'évoque régulièrement dans l'émission au travers de pathologies particulières. Oui, bah écoutez, vous l'avez dit, les études s'amoncellent. En fait, l'industrie de la viande, bien sûr, est sur la défensive. Un petit peu comme l'industrie du tabac l'était dans les années 50, 60 et 70. Un petit peu comme l'industrie de l'amiante l'était dans les années 60 et 70. C'est-à-dire que les études s'amoncellent qui démontre des liens de plus en plus serrés entre consommation de viande et des maladies parfois très graves, comme le cancer. Il faut parler franchement et directement. Non pas qu'on attrape le cancer, évidemment, en mangeant de la viande, mais un certain type de consommation de viande et un certain niveau de consommation de viande a les effets les plus désastreux sur la santé humaine et pour des maladies qui ne sont pas du tout secondaires, mais qui peuvent être extrêmement graves. Tout ça est établi. La conséquence des médicaments, des hormones qu'on donne aux animaux qu'on va ensuite manger. Est-ce que Devinez, je crois que chacun peut se poser la question. Quand on inflige des traitements pareils à des animaux, quand on leur inocule, sans rien leur demander, des hormones, des antibiotiques, des tranquillisants, j'en passe. Il y a des dizaines de molécules qui leur sont injectées. Quand on injecte ça à ces animaux et qu'ensuite la chair est consommée par les humains, il est bien évident que ça passe dans notre corps et dans notre sang, c'est une évidence. Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde. Au lien qui libère, et c'est vous qui le signez, Fabrice Nicolino. Merci beaucoup d'être venu dans la tête au carré.